Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 125e émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, du choix musical et de l'animation avec la complicité de Denis Marchand, Noël Douville et Robert Blanchette qui commentent l'émission à chaque semaine. Aujourd'hui, nous aurons Orion de France, Rick Wakeman d'Angleterre, la Concienza di Zeno d'Italie, Ecoline des États-Unis, Sweet Billy Pilgrim d'Angleterre, The Legendary Pink Dots d'Angleterre, Mice on Stilts de Nouvelle-Zélande, Sensitiva Imagine d'Italie, Mad Fellas d'Italie, Sanguine Hum d'Angleterre, Arek Names d'Italie, Android de Hongrie, Vol de nuit de France et nous conclurons l'émission avec Archive d'Angleterre. Donc 14 pièces avec 14 artistes différents et ça origine de 1978 jusqu'à aujourd'hui. Alors, on débute le bloc avec Orion, qui est une formation française qui a débuté ses opérations en 1979 avec un long éclipse jusqu'en 2013 où ils ont fait paraître Mémoire du temps et tout récemment La face visible. Alors, on va entendre un extrait de ce nouvel album. Nous aurons aussi un extrait du nouvel album de Rick Wakeman. L'album s'intitule, Starship Trooper. Alors, ça vient de paraître avec la collaboration de plusieurs dinosaures du rock progressif. Et on va conclure avec la Concienza di Zeno avec un extrait de leur album éponyme qui est paru en 2014. Alors, on débute ça avec Orion. consultato con la massima attenzione le mappe della città vecchia, ma non ritrovo né nessuno sa del civico 38 di Passo Cattamora. Eppure quando ero un povero studente solevo soggiornare nel quartiere dove avevo intossicato le mie orecchie con quelle note morbide e morbose. E qual era il suo segreto? Pollice in terza, le dita stese a coprirne quattro. Maestro, la prego ci dica l'anima violata, vibrante semicrome, qualcosa gli sussurra nell'orecchio. All'ultimo mio allievo, ma forse non ricorda troppi anni di distanza. Preferisco lasciarmi morire asfissiato. Fanciulli si rincorron tra le ruspe, raccordati su in collina nelle case popolari, demolire per punire avidi speculatori e signori abbienti, avete fatto scempio del passato della gente che ritorna nera e vecchia a chiedere dove mai siano i librai. Oftalmica. Alors, c'était la pièce Colofonia, et c'est par la Concienza di Zeno, un groupe italien, et c'est leur premier album qui est paru en 2014. Ça a été précédé de Rick Wakeman avec la pièce Sober, extrait de Starship Trooper qui vient tout juste de paraître. C'est le 86e album studio de Rick Wakeman qui, rappelons-nous, a débuté tout ça en 1973 avec The Six Wives of Henry VIII, qu'on fera probablement jouer à l'automne. Et au début de bloc, nous avions la nouveauté de la formation française Orion, et c'était la pièce titre de l'album La Face Visible, qui est paru à la fin de l'automne, en fait, début de l'hiver. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On débute le deuxième bloc avec la formation américaine Echoline qui vient de faire paraître il y a quelques mois en fait leur plus récent album I Heard You Listening. C'est le 9e du groupe et on va entendre un extrait. Ça sera suivi de Sweet Billy Pilgrim, un nouveau groupe britannique qui ont un album à leur actif. Et on va entendre, ça c'est paru en 2015 aussi, c'est un extrait d'une compilation de Keyscope, je crois, qui est la compagnie de disques qui produit Steven Wilson, si je me trompe. Et ça va être suivi de la formation britannique de Legendary Pink Dots, avec un extrait de l'album Hallway of the Gods Redux. Ça s'est paru en juste une petite seconde, en 1989, je crois. Et je rappelle aux auditeurs que cette formation-là est assez prolifique. On leur connaît 35 albums studio, dont un tout récent là, qui est sorti cette semaine. Alors, on va probablement jouer ça à l'automne. Et on va finir le bloc avec une nouvelle formation de Nouvelle-Zélande. C'est pas très fréquent qu'on a un groupe de Nouvelle-Zélande. Et le groupe, c'est Mice on Stilts. Et ils viennent de faire paraître un album qui s'appelle Hope for a Morning. Alors, on débute ça avec Echoline. I'm To live in, with nowhere else to go. I'm nothing beyond that draws me. I abandon my shelter when the crowd thins out.

Alors, ce que vous venez d'entendre, ça vient de Nouvelle-Zélande. C'est The Mice on Stilts, une nouvelle formation qui vient tout juste de faire paraître l'album Hope for a Morning. Et on a entendu l'extrait Funeral. Ça a été précédé d'un court, une courte chanson de la formation britannique de Legendary Pink Dots. Et la pièce s'intitule Lucifer Landed et ça a été extrait de Hallway of the Gods Redux qui est paru en 1997. Et tout de suite avant, c'était Sweet Billy Pilgrim avec une pièce qui est extraite de la compilation Keyscope Volume 6 et la pièce s'intitulait Cold. Et on a débuté le bloc avec Ecolin des États-Unis et la pièce All This Time We're Given et c'est extrait de I Heard You Listening qui est paru il y a quelques mois. Après la pause, Sensitiva Imagine, Mad... Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. We'll be right back. nostra vita, vivere e sorridere, cantare e non dividerci, non ci arrenderemo mai, sembra poco tempo, ma forse queste immagini resteranno lì. Qualcosa. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation italienne Arecnames avec la pièce La Chambre. Et c'est extrait de Love Hate Round Trip qui est paru en 2012. Auparavant, on a entendu la formation britannique Sanguine Hum avec la pièce Double. Et c'est extrait de What We Ask Is Where We Begin. C'est un nouvel album qui est paru il y a quelques semaines, un album double. Auparavant, on avait aussi la nouveauté Mad Fellas, une autre formation italienne. Et Muslim Sabbath, c'est la pièce qu'on a tirée du deuxième album Mad Fellas 2, qui est paru il y a quelques semaines, comme je mentionnais. Et au début de bloc, nous avions aussi les Italiens Sensitiva Imagine. Sensitiva Imagine qui ont produit un seul album en 1978. L'album s'intitule I Tutto Comincio Così et la pièce c'était Ouverture. Après la pause. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors nous voici rendus au dernier bloc de la dernière émission de la saison 2015-2016 et on va débuter ça avec une formation hongroise du nom de Android. C'est un groupe qui a trois albums à son actif, un en 2009, 2011 et 2016 et ce qu'on va entendre c'est extrait de Midnight Ball qui est paru en 2011. On va suivre avec les Français Vol de Nuit et la pièce tirée de l'album Les fantômes sont... Les trains sont fantômes ce soir. Un petit lapsus que vous me pardonnerez. Et on va conclure avec Archive et un extrait du plus récent album Restriction qui est paru en 2013. Alors on débute ça avec Android. Thank you. ma trotteuse, loin des aéroports, à survoler des vallées sinueuses, je brade mes tripes jusqu'aux aurores. On your own. flames everywhere from the fight. Now scorn all loss, the people don't know. Là, c'était Archive, formation britannique, avec la dernière pièce de la dernière émission de la saison 2015-2016 de Rock de Neurone. La pièce s'intitule Third Quarter Storm et c'est extrait de Restrictions qui est paru il y a quelques mois. Ça a été précédé de la pièce titre de l'album Les trains sont fantômes ce soir du groupe français Vol de nuit. C'est paru en 2014 et on a débuté le bloc avec les Hongrois Android, avec la pièce « Waves of Desire ». C'est extrait de « Midnight Ball » paru en 2011. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'émission et ceux qui seraient nostalgiques du prog cet été, veuillez consulter la page Facebook de l'émission « Rock de Neurone » où vous allez trouver les liens qui vous permettront d'écouter les émissions qui ont été archivées. Il y en a près de 70. Notamment toutes celles de l'année 2014-2015 et 2015-2016. Si vous avez des suggestions pour les thèmes de la prochaine saison, n'hésitez pas à consulter avec moi en visitant encore une fois la page Facebook de l'émission et je vais répondre à tous les courriels que vous m'enverrez. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite un bel été et qui vous propose d'être des nôtres en septembre. Bon été.